Salut Fred, salut toute l'équipe, c'est Flo. Une semaine que je vous avais pas laissé de message en chanson. Bon Spielberg, pouh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir chanter? Il y a tellement de films géniaux. Tindin, tindin, tindin, tindin, tindin. Bonjour Blockbuster, merci pour cette émission sur Spielberg. Pour moi, Spielberg, c'est vraiment un raconteur d'histoires fantastique qui sait nous embarquer. J'ai vraiment une relation particulière avec lui parce que ma mère a vu E.T. 15 jours avant ma naissance, donc c'est en gros le premier film que j'ai entendu. Et ça m'a laissé des telles traces que quand moi-même je suis tombée enceinte et que j'ai su que c'était un garçon, bah le seul prénom qui m'est venu, et ça a été comme ça jusqu'au bout, c'est Elliot. Et donc aujourd'hui, il y a un petit Elliot qui est sur Terre et qui a 5 ans. Et je pense que d'avoir entendu cette formidable histoire qui est E.T. À l'intérieur du ventre de ma mère n'est pas pour rien dans le choix de ce prénom. Voilà, continuez votre émission géniale. À bientôt. Blockbuster. Salut Fred, bonjour tout le monde. Je viens d'apprendre que tu vas faire une mission sur Indiana Jones. Alors je vous rappelle la règle cardinale de cette série de films. Il n'y a que trois Indiana Jones. Il n'y a que trois Indiana Jones. Il n'y a que trois Indiana Jones. Oui, bonjour l'équipe de Blockbuster. Bah, merci pour tout le travail que vous faites. C'est vraiment génial. Et puis bon, quoi? Comment un 4? Oui, c'est quelle vacances, oui. Bah aujourd'hui, c'est Indiana Jones. Quoi? Non, ce sera différent d'hier. La nuit des morts vivants, c'était différent. Allez, va vite travailler. Voilà. Merci, Frédéric. À bientôt. To be or not to be, not to be. Tu sais, papa, Indiana Jones situe quand même beaucoup de nazis. Ça, c'est ce que mon fils Elliot, âgé de 10 ans, m'a dit alors qu'on achevait le visionnage d'Indiana Jones et la dernière croisade. Bah, c'est vrai, mon garçon, hein, t'as raison, Indiana Jones situe beaucoup de nazis. Mais en même temps, c'est des nazis. Et alors? Bah, et alors, au cinéma, on a le droit de tuer des nazis. Ah! Mais en vrai, on n'a pas le droit de les tuer, les nazis? Si, mais ça dépend du moment. Il y a un moment pour tuer des nazis, papa? Tu m'as dit qu'il fallait pas tuer les gens. Alors oui, il faut pas tuer les gens, mais les nazis, c'est pas vraiment des gens... Ils sont racistes, ils aiment personne. Comme Éric Zemmour? Oui, non, Éric Zemmour est pas un nazi. Mais t'arrêtes pas de dire qu'il est raciste? Oui, enfin non, j'en sais rien, comment dire... Disons que les nazis étaient racistes, mais tous les racistes ne sont pas forcément nazis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des méchants racistes et des racistes pas méchants. C'est quoi un raciste pas méchant? Tu vois tonton Pascal qui se met à chanter à la Compagnie Créole à chaque fois qu'il nous voit? Oui. Eh ben voilà, voilà. Mais Indiana Jones, comment il sait que quand c'est le moment de tuer des nazis? Eh ben c'est une question de contexte, mon garçon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, c'était vachement bien vu de tuer des nazis. Tu pouvais même avoir une médaille si t'en tuais beaucoup. Oh, comme à Fortnite? Ouais, t'as pas fait que du bien à l'école à la maison. Hein. Comme quoi, finalement, c'est important de contextualiser une œuvre. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Et toi, Junior, qu'as-tu trouvé? Junior, père. S'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire, c'est Junior? C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Junior. Moi, j'aime Indiana. On a appelé le chien Indiana. Peut-on rentrer, s'il vous plaît, maintenant? Le chien? Tu t'appelles comme le chien? Après toi, Junior. Oui, c'est... Avant même de créer la célèbre saga Star Wars, George Lucas, inspiré par les céréales de son enfance, ambitionne de raconter les aventures d'un archéologue qui partirait à la recherche de reliques au pouvoir surnaturel. Mais pour des contraintes d'emploi du temps, le projet est mis en pause. C'est plus tard, lors d'une conversation avec Steven Spielberg, que ce dernier évoque son envie de réaliser un James Bond. George Lucas a mieux, Indiana Jones. Pour revenir sur l'archéologue le plus connu du cinéma et le moins présent à l'université, j'ai à mes côtés Rosen Colter, Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéo-anthropologue à l'INRAP, chercheuse au CNRS et spécialiste des inégalités du passé. Oui, je suis archéo-anthropologue à l'INRAP, oui. Bon, ben voilà, mon quotidien, voilà, j'ai gagné. Bravo, ouais, bravo, cool. Bien renseigné. Également avec nous, Antoine Coursat, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur de documentaires, notamment sur le cinéma et la pop culture. Vous allez réaliser un documentaire pour Arte sur Indiana Jones et le genre des films d'aventure intitulé « À la recherche de l'âge d'or perdu ». Exactement. Avec nous aussi Alexandre Poncet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Mad Movies et réalisateur de documentaires et vous allez sortir un hors-série consacré à Indiana Jones et avez co-réalisé avec Gilles Panceau un documentaire sur Phil Tippett intitulé Phil Tippett, des rêves et des monstres, produit par Carlotta, sorti en mai dernier. Et oui, oui, on en est très content. Et également, vu qu'on parle de John Williams, on parle de Steven Spielberg, on parle d'Indiana Jones, il est là, vous l'imaginez, Dedo. Bonjour Dedo. J'ai pas du tout vu la filiation arriver, mais merci beaucoup. Non, mais voilà, non, mais parce que les gens, ils savent que sur des sujets comme ça, tu vois. Il faut une certaine autant pointure. Autant les petits poneys, on sait que tu. Y a, voilà, mais, c'est moins voilà, mon domaine, mais. Voilà, je suis archéo-anthropologue de cœur, juste de cœur, mais c'est important déjà de l'être. Exactement. Je rappelle à ceux qui ne le connaîtraient pas, Dedo est humoriste. Son deuxième spectacle, Killing Joke, est disponible sur sa chaîne YouTube. Et vous pouvez le retrouver en tournée de rodage de son nouveau spectacle dès le mois de septembre. Toutes les dates sur le site Blockbuster de France Inter. Également, dans cette émission, nous appellerons au téléphone Clotilde Chamussy, une vidéaste diplômée d'archéologie, pour qu'elle nous parle de sa passion pour Indiana Jones. Et tous ensemble, on va retracer l'histoire d'Indiana, ses inspirations et ce qui l'a inspiré. On parlera de la représentation cinématographique de l'archéologie, du débat sur la restitution des œuvres, et on parlera sûrement aussi un petit peu des nazis. Voilà, mais juste comme ça. Vous les avez convaincus ? Oui, ils vous confient cette grande mission. Oh, Marcus ! Ils veulent que vous récupériez l'arche avant les nazis. Et ils sont d'accord pour payer le prix qu'il faudra sans discuter. Et bien sûr, le musée en héritera à la fin de l'histoire. Eh oui. L'arche perdue. Aucun trésor n'existe auprès d'elle. Oui, elle est tout pour nous, tout ce qui nous a un jour décidé à devenir des archéologues. Alexandre Poncet, d'où vient Indiana Jones ? Alors Indiana Jones, c'est un personnage qui est inspiré des céréales des années 30. Donc les céréales que George Lucas voyait dans son enfance dans les projections du matin, donc quand il était jeune. Et c'était des histoires d'aventure avec voilà plein d'actions et plein de rebondissements et plein de scènes à suspense. Et à la fin de chaque épisode, il y avait ce qu'on appelait un cliffhanger. Donc le personnage principal était dans une position très difficile, par exemple accroché en haut d'une falaise. Donc hanging on a cliff, donc cliffhanger, et voilà, il avait envie, George Lucas avait envie de retrouver ce sens de la série B, voilà, de quelque chose de très simple, de l'aventure à l'ancienne, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a situé Indiana Jones dans les années 30. Et c'est une idée qu'il a eue avant même Star Wars. C'est une idée qu'il a eue pendant Star Wars. En fait, il était en train de développer Star Wars et ce qu'il dit souvent, c'est qu'il aime réfléchir à d'autres choses pendant qu'il écrit sur quelque chose. Il des a fois, du mal ça à se sent dans sa direction d'acteur un petit peu. Oui, alors, je pense qu'il n'a pas de direction d'acteur, George Lucas. Il déteste travailler avec les acteurs. Voilà. Il déteste ça. Mais quoi qu'il en soit, il était en train de travailler sur Star Wars et son esprit a un petit peu vagabondé. Il avait un petit peu exploré le domaine des céréales pour Star Wars. Et il a eu cette idée d'un archéologue qui partait en quête d'artefacts surnaturels. Donc c'était son petit twist. Il y avait vraiment du fantastique dans son idée. Et il s'est dit que ce serait une super idée. Donc il a commencé à développer ça et il en a parlé à quelqu'un qui s'appelle Philip Kaufman, qui était un ami à lui, futur réalisateur de L'étoffe des héros, entre autres. De José Welles. Et scénariste de José Welles, de Clint Eastwood, ouais. Et avec ensemble, ils ont discuté du projet et ils ont posé les bases. Ils ont Philip K. Hoffman a proposé l'Arche d'Alliance, donc parce qu'un dentiste de Chicago était passionné de l'Arche d'Alliance et il n'arrêtait pas de lui en parler, donc il s'était dit que c'était peut-être pas mal de parler de ça. Ça tient un peu de choses. Hein. Ça tient un peu de choses et pour Indiana Jones, il voulait quelqu'un de très arrogant, un playboy, quelqu'un qui ne respectait pas forcément les règles de l'archéologie. Oui, règles d'ailleurs dont on voit qu'il s'affranchit assez... Assez facilement, il y a plein de détails dans le film au niveau de la mise en scène qui montrent qu'Indiana Jones est plus intéressé par la compétition, la fortune et la gloire. D'ailleurs c'est une phrase célèbre d'Indiana Jones et le Temple Maudit qui a été soufflée à Steven Spielberg par un de ses amis qui s'appelle John Milius, qui a fait Conan le Barbare. Et en fait pendant tout le film, Indiana Jones parle de fortune et de gloire. C'est ça pour lui l'archéologie, c'est trouver l'artefact rare avant les autres. Si j'ai 30 secondes, il y a une scène que je trouve passionnante dans le premier film. Il y a Marcus Brody, le chef de l'université, qui va voir Indiana Jones à la fin d'un cours. Et on vient de voir le prologue où Indiana Jones a perdu une idole de fertilité, a été volé par un autre archéologue, un compétiteur. Et Indiana Jones Indiana Jones dit je l'avais dans les mains, et il montre ses mains, et pendant ce temps, en fait, Marcus Brody ramasse une pomme qui a été laissée par un élève et rigole en touchant la pomme et en la mangeant. Et en fait, il y a un parallèle entre l'idole et le fruit, et c'est juste ça pour Indiana Jones, c'est une sucrerie. Oui, d'ailleurs, c'est ses élèves, je crois que c'est le garçon de la classe qui lui laisse la pomme. Les jeunes filles ayant marqué I love you sur chacune de leurs paupières. Absolument. Parce que, mais c'est une scène parmi d'autres qui est incroyablement chorégraphiée et mise en scène par Spielberg. Et Rosanne Colter, quel regard portez-vous sur cet archéologue iconoclaste qu'est Indiana Jones? Bah moi, je fais partie de la génération Indiana Jones. C'est-à-dire que j'ai grandi avec lui. Ça a certainement joué dans ma vocation aussi de vouloir devenir archéologue. Après, le métier, c'est différent. Mais j'imagine. Ou alors, vous avez tué beaucoup de nazis. Voilà, il y a un peu moins de nazis aujourd'hui. Grâce à Harrison Ford, il a bien travaillé avant. Il y a toujours un peu trop quand même. Il y a quand même beaucoup de nazis. Ouais. Aujourd'hui, l'archéologie, en fait, est complètement différente. Là, on a plus une vision d'un explorateur, en fait, je dirais. Ça ressemble peut-être... Moi, comme archéologue, je vois un peu Howard Carter, qui a découvert donc la tombe de Toutankhamon en Égypte, où on a des choses un peu fabuleuses comme ça. L'archéologie en France, on peut en faire partout, en fait. Mais quand c'est sorti dans les années 80, l'archéologie en France, c'était quelque chose encore qui était un peu confidentiel. Il y avait des universitaires qui travaillaient, il y avait des gens du ministère de la Culture, mais aujourd'hui, on a une vraie archéologie préventive. Peut-être que aussi Indiana Jones a participé au fait que la société a envie de connaître son histoire, se l'approprier, et demande à ce que des archéologues travaillent. Même si c'est vrai que la vision de l'archéologue entre le film et arrêté est vraiment différente. Mais moi, la phrase que je garde d'Indiana Jones, c'est sa place est dans un musée. C'est pas une compétition. Enfin, c'est un travail d'équipe, l'archéologie. Bon, là, on voit aussi des équipes puisqu'il a ses collègues avec qui il partage les choses. Et moi, je vois plus, on travaille aussi pour le bien commun et mettre les choses dans des musées et renseigner sur ces objets, quoi. Alexandre Bonset? Oui, en fait, le rapport de Indiana Jones à l'archéologie évolue au fil des films. Sa place est dans un musée. Déjà, c'est plus la même chose par rapport au premier film. Dans le premier film, on sent bien que c'est vraiment un playboy. Il y a beaucoup de compétition. Et je vais peut-être fâcher des gens, mais le rapport le plus sain d'Indiana Jones à l'archéologie, c'est dans le 4. Où on sent qu'il a un respect pour ce qu'il touche. Il y a d'ailleurs dans le dialogue le fait que ce n'est pas un pilleur de tombes, alors que c'en est un dans l'original. Et d'ailleurs, à un moment, il a un réflexe de pilleur de tombes, il ramasse quelque chose pour le garder, il y a son fils dans le film qui lui tape la main et qui dit non, on n'est pas des pilleurs de tombes. Et d'ailleurs, le MacGuffin, donc voilà, ce qu'ils doivent trouver dans le 4, ce sont des extraterrestres. Et en fait, on comprend que ces extraterrestres sont des archéologues qui ont rassemblé le trésor de l'Eldorado. Mais en fait, le trésor de l'Eldorado, c'est pas de l'or, c'est de la connaissance. Donc voilà, c'est assez intéressant la manière dont ça évolue au fil des films, mais je pense que ça évolue aussi par rapport à la société. Mmh. Antoine Coursat, au niveau de l'aventure, au niveau de ce héros comme ça, que l'on devine dans les premières images des Aventuriers de l'Arche Perdue, que par des éléments de costume, on voit son chapeau, la fameuse Fedora, là on voit le fouet, mais lui on ne voit pas son visage. Comment vous, quelle place a Indiana Jones dans le panthéon comme ça des aventuriers? Bah, en fait, déjà, moi, je trouve que Indiana Jones, ça c'est intéressant, c'est que avant même d'être un aventurier, je dirais que c'est un personnage de divertissement. C'est vraiment un personnage à imiter. D'ailleurs, on voit bien que la plupart des quêtes l'amènent à échouer au final. Il ramène presque jamais rien dans un musée. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que lui, en réalité, il va faire renaître un genre qui est le genre aventure, qui était un genre qui a fait les grandes heures d'Hollywood dans les années 30, 40, 50, et qui est un genre qui s'est, qui a fini par un peu se mordre la queue lui-même et qui était complètement passé de mode. Et donc, c'est un personnage qui rend vraiment hommage à des figures déjà existantes. Donc, on retrouve chez Indiana Jones tout un tas de scènes, tout un tas de codes visuels, de choses même dans ses vêtements, etc., qui existaient dans des films déjà précédents. Donc on est un peu dans la lignée de l'histoire des céréales, c'est-à-dire qu'en fait, là où ils sont très forts, Lucas et Spielberg, et là où ce sont vraiment des réalisateurs qui ont une grande maîtrise de la pop culture, c'est que ce sont des gens qui sont capables de synthétiser formidablement tout un tas de références, qui sont capables de piocher à droite, à gauche, etc., pour au final faire un film qui va, entre guillemets, savoir prendre le meilleur de tout un tas de choses, et à travers ce personnage... Ils vont, on en parlera certainement tout à l'heure, vraiment inventer ce qu'on pourrait appeler presque le cinéma parc d'attractions, que ensuite Spielberg développera encore plus avec Jurassic Park, ce genre de choses. Là où il est intéressant Indiana Jones en termes de figure d'aventurier, c'est que à partir du moment où il est apparu, tous les autres ont disparu. C'est-à-dire que 40 ans après, quand on pense à l'aventure, qu'on soit blanc, noir, jaune, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel pays, de n'importe quelle génération, c'est Indiana Jones la figure qui s'impose. Et donc c'est assez intéressant de voir comment, finalement, en voulant rendre hommage à ces grandes figures qui les avaient fait rêver, qui les avaient nourris comme les céréales de leur enfance, ils ont réussi à créer une figure pop culture totalement universelle qui allait prendre le pas sur tout et puis qui allait être un formidable outil commercial, quoi. On va continuer de parler d'Indiana Jones, mais pour le moment, on va écouter Jacques Dutronc qui a failli jouer dans le premier Indiana Jones car il était pressenti pour jouer le rôle de Belloc, mais étant français et ayant le même genre d'accent que moi, eh bien, on lui a dit on ne vous rappellera pas. Jacques Dutronc qui nous interprète l'aventurier. Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué aux dames à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes à Papette, j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota, et des calculs à Calcutta. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à Téhéran et au sauna à Sahana. J'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la tôle à l'eau. J'ai été lourde et à lourde. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin, j'ai été gentil à Port-Gentil. Et malpoli à Tripoli, j'ai fait la vie à Varsovie, et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. C'était l'aventurier de Jacques Dutronc dans Blockbuster sur France Inter. Belloc. Je vous salue, docteur Jones. Je devrais vous abattre comme un chien. Devant témoins, ou ce ne serait pas très adroit de votre part? Non, vous savez, ces Arabes se fichent que nous nous égorgions. Ce serait pour une simple attraction, pas autre chose. Je vois que vous avez toujours les compagnons les plus inattendus. Pourquoi faut-il que tout finisse ainsi entre nous après tant et tant de rencontres stimulantes? J'en arrive à le regretter. Où vais-je trouver un nouvel adversaire digne de moi, à ma hauteur? Visiter les égouts du coin. Jones, nous sommes de la même étoffe tous les deux. L'archéologie est notre religion. Mais il faut l'avouer, notre foi de néophyte n'est pas restée pure. En fait, nos méthodes diffèrent beaucoup moins que vous le prétendez. Oui, je suis votre écho, votre reflet dans l'ombre. Et il suffirait d'une chiquenaude pour que vous me rejoigniez dans cette ombre, privée de la lumière de la gloire. Belloc, vous êtes écœurant. Et oui, une conversation d'Indiana Jones avec son adversaire, sa némésis, Belloc, l'archéologue français fourbe, doublé en français par... attendez que je retrouve le nom... Voilà, Marc Casso et Claude Giraud qui doublait Harrison Ford. Claude Giraud qui doublait également Ulysse 31, si je ne m'abuse, dans le dessin animé. Donc j'aimerais lui rendre hommage également. Et qui doublait Tom Selleck, oui. Qui a failli avoir le rôle d'Indiana Jones. Donc on a eu... à moitié Tom Selleck en France, en Indiana Francis Jones. Francis Lax, ouais, incroyable doubleur d'époque. Qui a donné d'ailleurs pour le rôle de Han Solo d'Harrison Ford. C'était dans aussi, le 2. C'était dans le 2 aussi, mais justement par rapport à ça, il a été donc doubleur de Han Solo, donc du personnage d'Harrison Ford, et lui a apporté une dimension humoristique qui n'est pas forcément présente dans le personnage et qui a une plus-value totale, je trouve, par rapport à la VF, même si la VO est formidable. Dedo, tu as la parole, garde-la. Dans cet extrait, on sent quand même que George Lucas était déjà sur son thème de prédilection, c'est-à-dire le miroir, le côté obscur, ça pourrait être exactement un dialogue de Star Wars qu'on vient d'entendre. Ah complètement, ouais. On est de toute façon, cette dimension-là, elle n'a jamais été vraiment occultée. Moi, j'ai découvert le personnage à travers le Temple Maudit que j'ai vu petit enfant en salle. C'est pour ça. Ah bah ça a joué sur beaucoup de choses, mais on se rend pas compte à quel point justement à cette époque être présent dans la salle avec les spectateurs et voir. Temple of Doom, pour moi, c'est presque un film d'horreur avant l'heure par rapport à Spielberg. Il y a des moments qui sont troublants pour tout le monde. Tout le monde se souvient, en tout cas en salle, d'une sorte de répulsion totale au moment où on les voit en train de manger la cervelle de singe, ou bien le passage avec les insectes qui est assez récurrent dans le thème d'Indiana Jones. Donc ça a été ma première incursion avec le personnage. Et en discutant tout à l'heure, c'est vrai que ce qu'il ne faut pas oublier, et on n'en parle pas suffisamment, je trouve, dans cette quadrilogie, c'est que le personnage de Marion, donc qui est l'amour de la vie d'Indiana Jones, et interprété par Karen Allen. Karen Allen, qui est déjà quelque chose de très progressiste pour l'époque, parce qu'elle est l'équivalent et elle est égale à égale avec Indiana Jones, qui est déjà très fort. Le personnage de Marion boit mieux que les hommes, elle se bat contre eux, elle est une aventurière au même titre. Et je trouve que cette identification-là, à l'époque, elle est déjà très très forte pour un personnage aussi fort qu'Indiana Jones, de lui avoir mis un contrepoids qui contrebalance justement cette force-là un peu machiste. Et déjà, je trouve ça très, très précurseur pour l'époque. Et puis le thème de forcément, de John Williams, qui est fabuleux. Et qui a d'ailleurs ce double thème. Et ensuite, la deuxième partie, en fait, Spielberg raconte que quand Williams lui fait écouter les deux thèmes qu'il pensait justement être des thèmes principaux, il aime les deux, il lui dit mais pourquoi ne pas les mettre bout à bout. Et c'est donc la suite et l'enchaînement de ces deux. Ces deux petites procédures qui fait que le thème est devenu encore plus culte sur son intégralité. Et c'est d'ailleurs une des meilleures combinaisons. William Spielberg, pour moi, c'est la meilleure adéquation cinématographique et musicale, au même titre que peut être Fincher ou Fincher, Reznor et Atticus. Mais effectivement, c'est des duos qui vont marquer l'histoire du cinéma à travers Star Wars ou Harry Potter, entre autres. Maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu avec Clotilde Chamussy. Bonjour. Oui, bonjour Clotilde. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes vidéaste diplômé d'archéologie et on l'imagine, il y a eu un moment clé quand vous êtes tombé pour la première fois devant un Indiana Jones. Alors, il faut déjà que je fasse une confession. Alors moi, j'ai grandi sans Indiana Jones, c'est-à-dire que... Non, quelle horrible enfance. je suis devenue archéologue sans jamais avoir vu Indiana Jones, c'était même presque un secret à la fac, parce que c'était très mal vu de ne pas avoir vu Indiana Jones. Et je m'y suis plongée il y a juste 2 ans pour justement faire une vidéo, parce que les abonnés de la chaîne YouTube que j'anime, qui s'appelle Passé Sauvage, me demandaient toujours si Indiana Jones était un véritable archéologue. Et bah la réponse est non, mais c'est surtout le premier, là, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, qui permettent de comprendre comment Spielberg et Lucas vont utiliser l'archéologie comme prétexte pour parler d'autres sujets, et surtout la Bible. Moi, avec un regard d'adulte, Indiana Jones, c'est un cours de caté, véritablement. Et il y a une séquence qui traduit assez bien ça, où la mise en scène est vraiment très forte. C'est juste après ce que vous avez cité en début d'émission, après le cours de classe avec les yeux peints, oui. Il y a une séquence où Indiana Jones est face à deux représentants de l'État dans une salle d'université. Oui. C'est une salle qui ressemble à une église. Il y a des rangées de bancs, il y a des vitraux, et puis il a un tableau noir derrière son dos, et ce tableau noir, il est rempli d'équations scientifiques. C'est pas un tableau noir, c'est véritablement voulu. Et Indiana Jones va leur dire, mais attendez, vous séchez le catéchisme, vous savez pas du tout ce que c'est que l'Arche d'Alliance, je vais vous l'expliquer. Et là, il retourne le tableau et il fait un dessin. Et en fait, à ce moment-là, on quitte la science, on quitte l'archéologie et on démarre, le film renaît. Il redémarre à ce moment-là en se plongeant. D'ailleurs, il y a un gros plan sur la Bible. Et ça fait vraiment un générique de début, un quart d'heure après le démarrage, on va dire, technique du film. À partir de ce moment-là, Indiana Jones, il vient chercher des reliques. Eh bien, vous ne le voyez pas, mais Antoine Coursat veut intervenir, justement. Ah. Oui, enfin, moi, c'est sur le cours de caté. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc aussi qui est, c'est là où Indiana Jones est vraiment un héros américain. C'est-à-dire que aux États-Unis, le héros a toujours à un moment ou à un autre, c'est une facilité. Et puis parce qu'on sait que c'est un pays, voilà, dans la Constitution, sur leur billet de banque, il y a écrit "In God We Trust", où il y a une dimension messianique. Donc parce qu'il n'est pas puritain du tout, et ce personnage de Marion ne l'est pas non plus. Enfin, je veux dire. C'est un gros dragueur, il est de mauvaise foi, il truande quand même beaucoup, donc il n'est pas non plus irréprochable. Je trouve pas que ce soit un personnage qui soit extrêmement puritain. En revanche, il va porter certaines valeurs et il va porter une certaine image de ce qu'est le héros américain. C'est-à-dire, il est cool, il est sympa, il est drôle, il est courageux, et malgré tous ses défauts, etc., on a envie de le suivre, et il va, d'une manière ou d'une autre, à un moment, en plus, avoir un petit coup de pouce de Dieu. D'où cette idée d'Arche d'Alliance et plus tard avec le Graal qui le légitime, entre guillemets, en tant que héros. Et quand on voit, par exemple, cette scène dans le 2 où, à la fin, il y a donc tous ces enfants qui ont été enlevés, qui travaillent dans une mine qui ressemble un peu à un camp concentrationnaire, et il les ramène et c'est lui qui apparaît en premier, puis ensuite il y a tous les enfants qui courent derrière lui, et c'est vraiment le Messie. C'est, oui, il y a un côté white savior. C'est presque Moïse qui à un moment va conduire le peuple juif vers la libération. Et il y a quelque chose d'assez caricatural là-dedans, mais comme c'est du cinéma américain, que c'est de la comédie, etc., ça fonctionne et on est à bloc. Mais voilà, est-ce qu'il est vraiment moralisateur ? Ça, je pense pas que ce soit. N'hésitez pas à reprendre la parole à Clotilde. Ouais. Je ne pense pas que ce soit cet aspect moralisateur dont vous vouliez parler. Non, c'était plutôt l'ambiance. Je voulais simplement souligner que Spielberg, voilà, un de ses angles. Enfin, la religion est un prisme de lecture du monde. Et on le sait, c'est pas une surprise. Mais du coup, ça, c'est l'inverse de la démarche scientifique, de la démarche des archéologues. Et en revanche, Indiana Jones a le film 1 a l'avantage de traiter d'un sujet qui là est vraiment un sujet d'archéologie que je n'ai jamais vu traité dans un autre film. C'est l'archéologie nazie. Ça, c'est vraiment un vrai sujet. Voilà, où le régime nazi veut rattacher, voilà, son idéologie raciale à des origines glorieuses. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier au niveau historique. Oui, donc il y aurait quand même une véracité historique sur cette recherche d'un passé glorieux pour remonter l'arbre généalogique des Allemands jusqu'à Siegfried et l'anneau des Nibelungen. Les nazis ont réellement cherché l'Arche d'Alliance. Mmh. Oui. Donc c'est de ça dont vous parlez, en fait. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, on va continuer d'en parler ensemble, restez avec nous, mais on va faire une petite pause musicale en écoutant Céleste. On reste comme ça dans les très hautes sphères avec Stop This Flame. Stop. but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. C'était Stop This Flame de Céleste. Frédéric Sigrist. So far, so good. Blockbuster. Sur France Inter. Alors j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Indiana Jones, qu'est-ce que ça vous évoque, etc. Et nous sommes toujours avec l'archéo-anthropologue Rosen Colter, le réalisateur Antoine Coursat, le journaliste Alexandre Poncet, l'humoriste Dedo et Clotilde Chamussy au téléphone. Alors Indiana Jones est un personnage de cinéma culte, pourtant il existe sur cette terre une tribu d'irréductibles gaulois qui reste insensible au charme d'Harrison Ford. Indiana Jones, il y a des gens, ils aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Dans une certaine mesure, ce qui est gênant dans ce film, c'est que finalement, les références historiques d'un certain côté, quand on pense par exemple au Führer qui recherche cette arche perdue comme pouvoir qui va lui permettre son hégémonie, c'est là où, à mon avis, l'imaginaire achoppe. Il y a quelque chose là de dangereux. Il y a une autre façon de présenter le film. C'est un énième Tintin au pays d'eux, et là, en l'occurrence, Tintin et la dernière croisade. Tintin, ce sont des beaux albums. Oui, absolument, mais là, le problème, c'est que c'est une pâle copie. C'est donc Harrison Ford qui ressemble un petit peu à une poupée animée du musée Grévin, moi je dirais. On nous trimballe, on nous véhicule d'un endroit improbable à un autre endroit improbable, ça n'arrête pas de bouger. Dire qu'il y a des rebondissements sans arrêt est un euphémisme, on sort de là complètement essoufflé, c'est vraiment arche ou crève. Et je crois que Harrison Ford, quoi qu'on en pense, n'a pas le charme que Errol Flynn ou Gary Cooper ont. Il me semble avoir été commandité par le ministère des Transports. Étant donné qu'on va passer toute la gamme des transports, il y a le ballon dirigeable, l'avion, la motocyclette, le chameau. Je crois qu'il faut vraiment distinguer des gens comme Coppola et comme Scorsese qui font du spectacle aussi. Et d'autre part, des gens comme Lucas et Spielberg qui sont vraiment des gosses qui s'amusent à jouer avec un train électrique et à refaire des films qu'on a vus il y a 30 ou 40 ans. À force de soucis d'efficacité, il a oublié la poésie, l'humour et aussi le côté tendresse qu'il y avait dans le premier. Moi, je trouve que vous parlez bien sérieusement d'une superbe plaisanterie, parce que c'est une superbe plaisanterie. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors, Indiana Jones, dans son ensemble, est-il une superbe plaisanterie ? Alexandre Poncet. C'est marrant, je crois que c'est Phil Tippett qui m'a dit ça. Si pour toi c'est trop bruyant et trop rapide, c'est que t'es devenu trop vieux. Je pense que ces gens sont nés vieux à l'âge de 2 mois déjà, ils en avaient 87. Pour pas voir en plus justement, enfin c'est de la mauvaise foi totale. Dire qu'Harrison Ford a aucun charisme, enfin voilà, c'est réfuter toute histoire de comédien. La dimension humoristique est hyper présente dans toute la saga et c'est justement un contrepoids original à l'aventure. Et ça a deux courants qui ont toujours marché de pair. Il y a quand même un singe qui fait un salut nazi. Dans quel autre film il y a ça? Dans quel autre film on a ça? Rosen Colter. Mais moi, Harrison Ford, je l'aurais suivi n'importe où. Si j'avais pu être pilote du Faucon Millenium, je l'aurais fait. Je pense mais même moi, je l'aurais fait. C'était plus facile d'être archéologue, donc j'ai choisi la voie de l'archéologie, bien que ça n'existait pas quand j'ai fait commencer mes études encore dans les années 90, il y avait très peu d'archéologues. Donc, non, c'est un peu de la mauvaise foi de dire que Harrison Ford n'est pas charismatique. Ça, faut pas déconner quand même. Antoine, il mélange tous les films. Il y en a plusieurs qui sont extraordinairement drôles, réussis, etc. Il y en a d'autres qu'on peut moins aimer parce que les réalisateurs vieillissent aussi. Mais est-ce que ça aurait autant marqué, autant influencé les héros qui allaient émerger après si c'était nul? Clotilde Chamussy, vous qui avez découvert Indiana Jones un peu plus tard que les gens qui m'entourent, est-ce que vous avez été aussi sévère en regardant Indiana Jones que les critiques qu'on vient d'entendre? Bah, il y avait non, quand même, pour faire la différence entre la fiction et passer un bon moment et savoir pourquoi on est devant l'écran à ce moment-là, j'ai apprécié ce que je voyais. Après, voilà, j'étais pas enfant, donc il y avait des choses qui marchaient plus. Aussi, je le voyais c'était en 2018, et donc il y a des choses qui ont mal vieilli, je trouve, notamment la vision de l'autre, même si ça se passe dans les années 30, c'est des choses qui passeraient plus aujourd'hui, ça fait vraiment vieille France, quoi. Par exemple, l'étranger, il n'y a jamais d'espace temporel. Oui. Alors que les Blancs, ils sont toujours situés dans une ville, on sait si c'est une université ou pas. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont un peu difficiles à avaler aujourd'hui, quand même. Et ben justement, c'est vrai qu'il y a cette dimension qu'on a entendue dans le troll, dans la séquence troll, cette dimension hommage à Tintin. Et finalement, est-ce que ce dont parle Clotilde là, c'est pas justement le syndrome Tintin et vision peut-être, avec ses qualités et ses défauts, hein, mais vision un petit peu stéréotypée de l'autre et de l'étranger. Mais on est dans l'esprit des céréales, donc je pense que c'est hérité de ça aussi. Et sincèrement, faut pas non plus trop théoriser. Ils avaient beaucoup de choses à faire en très peu de temps et je pense qu'ils n'ont pas réfléchi à certains plans. Il y a un plan où ils sont en train de déterrer une sorte de roche pour entrer dans le puits des âmes où il y a tous les serpents. Et il y a un plan héroïque à contre-jour où Indy est en train de remettre son chapeau pendant que tous les petits Arabes sont en train de travailler pour lui. On est totalement dans Tintin au Congo, là. Mais alors, c'est intéressant, par contre, dans la séquence troll, c'est assez pertinent de comparer ça à Tintin. Et d'ailleurs, quand Spielberg a présenté le film à la presse, donc en 81 en France, en Europe, on n'a pas arrêté de lui parler de Tintin. Et il s'est dit, enfin, il a demandé, mais qu'est-ce que c'est Tintin? Et il a acheté tous les albums et il s'est dit, mais c'est formidable, en fait, on fait la même chose. Et il a rencontré Hergé. Hergé, au bout de quelques années, lui a vendu directement les droits et il a pu faire son adaptation de Tintin, qui est, pour le coup, là, je pense, bien sous tout rapport. Oui, oui, on peut le dire. Et Alexandre pensait, justement, cette influence de Tintin, on le sent dès le deuxième Indiana Jones, avec le personnage de 2001, qui n'est ni plus ni moins que Chang. C'est totalement Chang, et alors, je sais que c'est un sujet de controverse, hein, le personnage de 2001, hein, parce que j'ai ressorti des critiques, même dans Mad Movies à l'époque, où il y avait un pour et un contre, et le contre éclatait le personnage de 2001, insultait un petit peu le Spielberg qui voulait infantiliser le cinéma d'aventure, ce qui est ironique vu la violence du film, où il y a quand même un cœur arraché en gros plan. Et oui, je pense que là, on sent l'influence d'Hergé, mais c'est pas... Le 2001, qui est quand même le héros d'Indiana Jones et le Temple Maudit. C'est lui qui sauve Indy. C'est un des héros. Il a même son thème musical, qui est assez fantastique, que John Williams a fait. Et d'ailleurs, dans la suite du générique de fin, le thème musical de 2001 est central. Et surtout, c'est un Goonie. Et c'est un Goonie, ouais. D'ailleurs, je conseille, ça, c'est juste une petite parenthèse, de regarder un épisode des Goldberg en hommage aux Goonies où il y a le héros, ça se passe dans les années 80, va chercher le personnage asiatique à l'école pour jouer son 2001. Rosane Colter, est-ce que vous avez un regard critique sur Indiana Jones un peu impérialiste? Ben, nous, enfin, impérialiste, oui, enfin, il a... Son rapport à l'étranger et même aussi aux œuvres, aux artefacts qu'il peut retrouver. Mais c'est une vision aussi de l'archéologie qui était comme ça, où qui est-ce qui fait de l'archéologie, c'est ceux qui ont de l'argent. Enfin, et donc c'était aussi les Américains qui allaient, qui vont en Afrique et qui font aussi de l'archéologie. Aujourd'hui, on commence justement, enfin, on travaille sur l'éthique et l'archéologie parce que longtemps, les archéologues allaient dans des pays, ils faisaient des prélèvements, même, je pense à l'ADN par exemple, et puis ils finançaient, enfin, ils faisaient payer ces prélèvements et après ils faisaient leurs études. les archéologues français n'ont jamais fait ça, parce qu'on a, on a beaucoup moins de sous. Mais il n'empêche que, oui, aujourd'hui, il y a des questions éthiques qui peuvent se poser, mais c'est vrai qu'au départ, l'archéologie, c'est quand même une passion de bah, il faut des mécènes, il faut de l'argent. Aujourd'hui, l'archéologie, elle a beaucoup changé. Aujourd'hui, l'archéologie, c'est la loi en fait qui nous finance. C'est quelque chose, c'est obligatoire, donc on doit le faire. Donc c'est à l'époque, là, il fouille, quand il filme dans les années 30, c'est une archéologie de mécène. Donc forcément, c'est pas les mécènes, eux, ils veulent récupérer de l'argent. Donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ben, c'est des pilleurs de tombes. C'est les mécènes aujourd'hui, ils vont financer des fouilles clandestines à Alep et ils vont ramener des objets pour mettre des arts premiers qui sont complètement décontextualisés. Aussi, l'archéologue. La différence avec l'archéologue et l'explorateur ou le pilleur de tombes, c'est que nous, c'est pas l'objet qui nous intéresse, c'est vraiment le contexte aussi, c'est de savoir où il se trouve, est-ce que c'est une phase d'abandon, d'occupation du site. On essaye de reconstituer toute une histoire. Et c'est sûr que là, on n'a pas le temps de le voir sur les épisodes. Maintenant, lui, il est à l'université, il parle de la bibliothèque quand même, il dit, bon, il faut aller sur le terrain. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est dans le troisième, où on voit la différence, le conflit avec son père. Son père qui m'a montré le vieil historien, où l'histoire, c'est dans les livres. Et puis là, l'archéologie, c'est sur le terrain. On a encore un peu ce débat-là, où justement, maintenant, on travaille avec les historiens, mais longtemps, l'archéologie était considérée comme une science auxiliaire de l'histoire. Donc, on était à côté. On leur apportait des fois des choses, mais aujourd'hui on voit que l'archéologie construit l'histoire et qu'on amène nous des nouvelles données et historiques sur les temps historiques, mais aussi sur évidemment les temps préhistoriques où on n'a pas du tout d'histoire. Mais oui, deux visions de l'exploration de l'histoire, justement. Vous rappelez-vous le dernier verre qu'on ait bu tous les deux ? Est-ce que je sens un reproche ? Un regret ? Nous sommes pareils. Quand j'ai grandi, j'étais solitaire. Et vous l'étiez aussi. Si vous aviez été un père moyen, comme les pères de tous les autres garçons, vous l'auriez compris. En réalité, j'ai été un père merveilleux. Quand ? T'ai-je jamais dit d'aller au lit, de manger ton pain, de te laver les oreilles, de faire tes devoirs ? Non, j'ai respecté ton intimité et je t'ai enseigné la confiance en soi. Ce que vous m'avez appris, c'est que j'étais moins important pour vous que des types qui étaient morts depuis 500 ans dans un autre pays. Et je l'ai si bien appris. Qu'on n'a pratiquement pas parlé en 20 ans. Tu es parti juste au moment où tu devenais intéressant. Ce n'est pas croyable, père, mais comment vous pouvez ? Je suis là, maintenant. De quoi veux-tu qu'on parle ? Bien. C'est que. Je n'en ai aucune idée. Mais bien alors, de quoi tu te plains ? Eh oui, le professeur Jones senior et junior. Donc on le voit dans la dernière croisade, c'est assez clair, c'est à la fois l'histoire hors de l'écran et interne à Indiana Jones qui se rejoint, c'est-à-dire que Steven Spielberg voulait faire un James Bond, et bien au final, il a fait un Indiana Jones à la place, et bien au final, James Bond est le père d'Indiana Jones. Oui, il faut savoir que Spielberg... Alexandre Poncelet. Oui, Spielberg rêve de faire un James Bond depuis toujours, mais il ne peut pas, il n'est pas anglais. Non, il n'est pas dans l'Empire, en tout cas. Et donc, il a été très frustré. Parce que c'est une règle pour faire un... C'est une règle. Il faut être dans le Commonwealth. Le Commonwealth. Et donc, c'était une grande frustration. C'est ce qui l'a amené, d'ailleurs, à faire Indiana Jones au départ. Et il a eu deux frustrations dans sa vie. Ne pas faire de James Bond et ne pas faire de comédie musicale. Alors, il a un petit peu essuyé cette frustration avec le début de Indiana Jones et le Temple Maudit, qui est un morceau musical de 4 minutes assez incroyable. Et aussi une introduction de James Bond. Et totalement une introduction de James Bond, où on voit Indiana Jones arriver en smoking, vraiment dans un pays exotique. C'est un pré-générique totalement bondien. Et d'ailleurs, là, sa comédie musicale, il l'a fini. Il a fait West Side Story, qui va sortir normalement l'année prochaine. Hein, on verra. Oui, s'il n'y a pas de scandale d'harcèlement ou de pandémie. C'est pas dit encore. Il y a eu un précédent avec Cats que j'ai pas vu personnellement, mais qui a des critiques assez incendiaires. Donc je sais pas à quel point il a maîtrisé ce sujet-là. Je suis beaucoup plus curieux de voir le remake de West Side Story. Déjà, les personnages ne sont pas faits en performance capture, ce ne sont pas des chats avec des seins. C'est le problème majeur de cette adaptation. Il a voulu le faire, on laisse faire. C'est assez étrange, effectivement. Et Antoine Coursa, justement, cet aspect méta de mélange de genres dans un Indiana Jones, là, La Dernière Croisade, c'est vraiment la croisée de tous les héros qui se rencontrent dans le même film. Oui, mais dès le premier, mais c'est évident qu'ils vont de plus en plus... En fait, ils vont maîtriser de mieux en mieux leurs personnages. Et donc, c'est vrai qu'ils vont se permettre de plus en plus d'aller faire des clins d'œil à tout un tas de films, etc. Et surtout aussi, ils vont petit à petit mettre en place une sorte de jeu presque malicieux avec leur public. Ce qui fait que Indiana Jones, on le retrouve dans des situations qu'on connaît déjà, et ils vont nous les rejouer quasi à l'identique, mais il va y avoir un petit truc qui va faire que ça va pas se passer comme on l'attend, et ça va créer un rebondissement. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, ils arrivent à nous emmener effectivement dans la comédie musicale, dans le film noir américain, ils arrivent à nous emmener dans le film de guerre, dans le film d'aventure, etc., etc. Et c'est pour le coup assez bluffant de la part. C'est là qu'on voit tout le génie aussi de Spielberg, de Lucas. C'est cette manière finalement de créer un divertissement où il y a presque plus de genre. Et puis il faut pas oublier que il y a quand même une des composantes prépondérantes de la saga Indiana Jones, c'est les éléments fantastiques qui sont parfaitement initiés par Richard Edlund dans le premier aux effets spéciaux, qui réussit à transcender le matériel de base et créer Richard Edlund qui a bossé entre autres sur Ghostbusters, Star Wars évidemment, donc c'est pour ça que Lucas le remet dessus, et aussi Poltergeist 2, et on sent cette filiation à travers justement cette apparition fantomatique à la fin du premier des nazis, et encore plus la fameuse fonte de nazis à laquelle on a droit, qui a traumatisé tout le monde à l'époque. Qui a traumatisé tous les enfants de l'époque. Et qui méritait largement son Oscar. Oui, désolé, j'ai interviewé Chris Wallace qui a fait la fonte du nazi. D'ailleurs, ouais. C'est une sorte de poupée de cire qu'ils ont chauffée pendant des heures, et ensuite ils ont accéléré la bande, c'est magnifique. Et juste pour finir, un tout petit truc, c'est que ce qui est marrant, c'est que le James Bond, finalement, aujourd'hui, les James Bond sont fabriqués sur le même rythme, comme ça, d'action en vase communicant, d'action continue, qui a été mise en place vraiment par Spielberg et Lucas. Et au final, ils ont eux-mêmes réussi à influencer les James Bond que Spielberg n'a jamais pu faire. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on va écouter Jean-Louis Murat. Voilà, j'ai envie de dire, le titre, ça, c'est fait. Ça s'est fait, babe. Ça s'est fait, babe. Ça c'est fait de Jean-Louis Murat et maintenant on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Adrien Marie au téléphone. Bonjour Adrien. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes fan d'Indiana Jones ? Ah oui, complètement. Mais c'est assez drôle parce qu'on voit de façon de génération en génération, on a tous en fait touché au film d'une manière ou d'une autre. Moi, c'était encore l'époque de la VHS. c'est la même. Hein, donc, c'était hier, la meilleure époque, exactement. Alors, vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, pas de problème. Vous avez droit à un joker qui vous permettra d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est parti. Dans Indiana Jones et le Temple Maudit, comment s'appelle le chef de la secte des Thugs qui arrache des cœurs comme on dit bonjour ? C'était... ben, je veux bien mon bonus maintenant parce que j'ai un... Alors, qui choisissez-vous ? Alors, qui l'a ? je regarde autour de la table. Alors, Alexandre Poncet a l'air d'être quand même bien avantagé par rapport aux autres. Est-ce qu'on le choisit ? Oui, allons-y. Alors, Alexandre Poncet, je repose la question. Dans Indiana Jones et le Temple Maudit, comment s'appelle le chef de la secte des Thugs qui arrache des cœurs comme on dit bonjour ? Alors j'espère que c'est ça, Molaram ? Molaram, bonne réponse, interprétée par Amrish Puri. Question suivante. Combien d'Oscars la saga Indiana Jones a-t-elle reçu ? 3 Oscars ? 1 Oscar ? 0 Oscar ? 3 Oscars. Mm-hmm. 3 Oscars ? À moins que ça soit autre chose. 1 Oscar ? Ou 0 Oscar ? Alors, un seul. Eh bien, voilà, c'est une bonne réponse ! C'est fou, parce qu'au début, j'ai cru que vous aviez dit 3, mais avec le confinement, j'entends pas bien. Dernière question. Quel était l'Oscar ? Alors, c'était Oscar du meilleur montage son en 1990, parce que quand même, il faut pas, c'est l'Académie des Oscars, faut pas exagérer. Voilà. Dernière question, quel est le nom du terrible adversaire d'Indiana Jones que vous allez entendre ? Les nazis veulent entrer eux-mêmes dans la légende du Graal et conquérir le monde. Je les laisse le faire. Moi, je veux le Graal lui-même, la coupe qui donne la vie éternelle. Est-ce que ça vient facilement ou est-ce qu'il faudrait que je donne des indices ? Dans mes souvenirs, le méchant, c'est le professeur Brody. Non, c'est Marcus Brody, c'est le copain d'Indiana Jones. Non, pensez plutôt à Breaking Bad. Vous savez, le professeur, il s'appelle comment ? Et puis pensez aussi au... Walter Donovan. Voilà ! Bonne réponse ! Oh, il semble vous aider, hein. C'est un truc de dingue, mais moi, j'ai vraiment les éditeurs les plus doués de la planète. Je croyais que t'allais dire V pour aider. Oui, j'allais dire Donovan, c'était Mark Singer, c'était mon prochain. Non, ça va, on est sur la même longueur, comme toujours. Eh bien, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster, qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Super, merci beaucoup et puis prenez soin de vous tout le monde. Ben oui, prenez soin de vous aussi également. Tout le monde prend soin. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. Antoine Coursat, Alexandre Poncet, Rosen Colter, Dedo, Clotilde Chamussy. Merci d'avoir évoqué cette saga Indiana Jones sur lequel je pense qu'on reviendra parce que on a quand même fait l'impasse sur ce numéro 4. Ce n'est pas très étonnant, mais c'est étrange. Ouais. Faudra quand même qu'on en parle. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag Blockbuster EFI. Vous voulez devenir un bon archéologue ? Il faut que vous sortiez de la bibliothèque.